Bien-aimés, ce sont les balbutiements de la mission de Jésus, de sa vie publique, et nous apprenons de sa bouche ce qu'il est venu vraiment faire, hein, quel est son projet, quel est son plan, ce pourquoi il est venu sur la terre, et nous apprenons qu'il est venu, vous l'avez entendu, de sa bouche, hein, venu appeler les pécheurs. Hein, il dit « Je ne suis pas venu appeler des justes ». Les justes, ils ont déjà leur chemin tout tracé, ils n'ont pas besoin de moi. Je suis venu appeler des pécheurs. Et vous voyez, si nous sommes ici dans cette église aujourd'hui, c'est d'abord parce que nous nous reconnaissons pécheurs, puisque nous avons remarqué que Jésus est venu nous chercher. Et nous devons toujours garder ça à l'esprit. Vous voyez, si Jésus vient, c'est parce que nous sommes des pauvres pécheurs. Hein, c'est pas parce qu'on est juste, c'est pas parce qu'on est parfait, c'est pas parce qu'on fait les choses bien. Non, c'est parce qu'on est des pauvres pécheurs. Tous. C'est la première chose que nous devons penser quand Jésus parle comme ça. Vous voyez, il parle aux pharisiens qui sont là en train de dire « Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Va aller manger chez les publicains. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et Jésus leur dit « Voilà, ben, moi je suis venu pour ça. C'est justement pour ça que je suis venu. » Et ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous voyez ce que le Seigneur veut nous faire savoir ce matin à travers cet épisode que nous venons d'entendre où il vient chercher Lévi. Lévi qui va devenir Matthieu, un des plus grands saints de l'Église, hein, un apôtre, hein, qui va suivre Jésus jusqu'à la mort, alors qu'il est un publicain. Il vient le chercher, et il nous montre voilà comment je fais. Et de la même manière que Jésus vient chercher Matthieu, eh bien, il veut que nous aussi, qui sommes de pauvres pécheurs, mais qui avons rencontré le Christ, qui avons été appelés par lui, et qui sommes tous les jours appelés par lui parce que nous retombons toujours dans nos péchés, eh bien, il veut que nous appelions aussi d'autres hommes, comme il le fait lui. Il veut que nous soyons comme son bras, sa main, sa voix, ses yeux, pour que Jésus puisse toucher tous les hommes. Alors regardez ce qu'il fait. Il est en train de passer comme ça, et c'est très beau ce verbe que l'évangéliste utilise. Il dit « il remarqua » Lévi qui va devenir Matthieu, bien sûr. Il remarqua Lévi qui était un collecteur d'impôts, qui était assis à son poste de collecte. Il est là en train de collecter les impôts pour l'empereur, pour l'Empire. Vous rendez compte, quelle horreur. Et il le remarque. Tout simplement, il le remarque, il passe comme ça, et il est comme attiré par cette personne. Vous voyez, comme si d'un seul coup, Lévi sortait du lot. Pourquoi est-ce qu'il sort du lot ? Ben parce que Lévi est un grand pécheur. Alors qu'est-ce qu'il remarque ? Jésus remarque que Lévi est complètement empêtré dans son péché. Il est là avec ses petits sous, en train de coûter ses sous. Et il le remarque, mais certainement qu'il a vu plus loin que ça, vous voyez, comme il va s'y prendre. Il s'arrête et il l'appelle. Il a vu plus que son péché. Il a vu derrière son péché, il a vu un homme qui avait des potentialités forcément beaucoup plus grande. Un homme qui avait quelque chose en lui, qui portait quelque chose. Il voit les deux, Jésus. Il voit à la fois la grandeur qu'il y a chez Matthieu et il y a tout le péché qu'il y a en lui. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que nous aurions fait, voyez ? Nous, parfois, c'est comme ça. On voit des gens qui sont des gros pécheurs, on voit tous leurs péchés. Alors, ça, c'est affiché sur leur visage. Regardez la tête patibulaire qu'il a, celui-là. Ouh là là, celui-là. Et qu'est-ce qu'on fait ? On a envie d'aller le voir et lui dire ces quatre vérités en face. Tu devrais attention, ce que tu fais là, c'est pas bien. Attention, regardez ce que Jésus fait, lui. Suis-moi, tout simplement. Jésus ne lui fait pas compte de ses péchés, ne lui parle pas de ses péchés, du moins pas tout de suite. Il lui dit, suis-moi. Alors c'est très profond ça, il faut que nous comprenions ça, que c'est très profond. Ce que Jésus fait là, c'est qu'il veut l'attirer à lui. Non pas d'abord dénoncer son péché, mais d'abord l'attirer à lui. Le faire vivre dans son environnement, sous sa grâce, sous sa coupe. Lui faire goûter la saveur de la vérité, la saveur de la grâce, la saveur de la vie avec Dieu, la saveur de son amour. Et ainsi, lui révéler automatiquement tout ce qui ne va pas dans sa vie. Mais vous voyez, Lévi ne s'est pas du tout senti jugé par Jésus. Et pourtant, Jésus avait jugé les choses, dans le sens où il avait vu clairement. Et Lévi ne s'est pas du tout senti jugé, il s'est senti appelé. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, lui qui est un grand pécheur? Eh bien, il s'est levé immédiatement, il s'est mis à sa suite et il a même organisé un grand repas avec tous ses amis, tous des pécheurs. Voyez, c'est ça qui est fort. C'est que Jésus ne juge personne. Il ne condamne personne. Il n'est pas là avec son marteau en train de taper sur la table en disant « Attention, ce que tu fais, c'est mal. » Il commence par attirer. Et nous, nous devons aussi garder ça pour nous. D'abord, dans nos relations avec les pécheurs, avec les gens qui sont autour de nous, qui sont tous des pécheurs, puisque nous sommes tous des pécheurs, ne pas mettre le doigt d'abord sur leurs péchés, mais toujours chercher d'abord à les faire entrer dans le rayonnement de Jésus. Voyez, les attirer à Jésus. Allez, suis-moi, tu verras. Viens voir Jésus. Viens le connaître, tu verras. Tu verras comme il est bon, comme il t'aime. Et alors, automatiquement, s'ils rentrent dans ce rayonnement, eh bien, les choses vont s'éclairer dans leur vie. Et ils vont voir leurs péchés. Nous voyons bien que plus nous nous approchons du Christ, plus nous vivons dans son rayonnement et plus les choses s'éclairent. Et de temps en temps, Jésus va dire une parole lorsqu'il sent que c'est prêt, lorsqu'il sent que le cœur est prêt à entendre les choses. Une parole qui peut faire mal, une parole qui peut blesser, une parole qui peut triturer le cœur et qui peut parfois nous faire perdre les pédales. Mais comme nous sommes, vous savez, Jésus sait toujours comment il faut faire, il nous prend par son amour, de manière à ce que nous puissions traverser cette nouvelle épreuve qui va nous purifier. Mais là, ça n'est pas la question avec Lévi. La question, c'est de l'attirer. Pour nous aussi, vous voyez, quand on a fait un gros péché, quand on est tombé, qu'on s'est cassé à la figure, un gros ou un petit d'ailleurs, peu importe, il faut que nous pensions à ça. Plutôt que de nous morfondre tout de suite, « Oh là là, j'ai péché », pensons que Jésus nous dit « Viens, suis-moi. Allez, viens, rapproche-toi de moi et tu verras, je vais te consoler, je vais te pardonner, je vais te guérir de tes péchés. » Plutôt que de nous morfondre sur nous-mêmes, parce que là, c'est une forme d'orgueil. « Ah, je ne suis pas aussi fort que ce que je voudrais. Allez, il faut que je sois mieux. » Non, il faut que je sois plus près de Jésus, c'est tout. Le reste, ça se fera tout seul, par la grâce de Dieu. Alors, frères et sœurs, voyez comment nous devons nous comporter. Ces quelques mots de l'Évangile, tous les enseignements que nous pouvons tirer, eh bien, c'est ce que Jésus veut nous faire savoir ce matin, que, eh bien, il nous attire à lui, et nous qui sommes dans cette église, eh bien, nous laissons-nous attirer par cet amour qui change tout, qui change la vie, qui change l'existence, et qui peut aller jusqu'à consoler nos plus grands chagrins, nos plus grandes tristesses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.